En 35 ans de carrière, il a toujours suivi les règles. Toute ma vie, j'ai eu pour ambition d'être une personne honnête. Mais pour sa dernière nuit en service, sa vie entière va basculer. Dernière nuit à Milan. Après Le Traître, Pierre Francesco Favino revient dans un thriller haletant. Présenté au dernier festival de Berlin. Dernière nuit à Milan. Le 7 juin au cinéma. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, du bled au terril, l'histoire des mineurs marocains dans le nord de la France. De 1956 à 1977, la France recrute près de 80 000 Marocains, jeunes et illettrés, pour travailler à bas coût dans les mines du Nord et de la Lorraine. C'est l'un des recrutements de main-d'œuvre étrangère les plus importants de l'histoire contemporaine française. Les houillères ont alors besoin de bras pour le fond, un travail dont les enfants du pays ne veulent plus. Trop dangereux et sans avenir. Les paysans berbères, eux, quittent leurs terres arides dans l'espoir d'une vie meilleure. Elle sera émaillée d'injustice et de lutte. À la fermeture des mines, 60% d'entre eux sont restés donnant naissance à près de 600 000 enfants français. Une histoire essentielle donc pour comprendre la société d'aujourd'hui, mais qui reste largement méconnue. Alors que le travail des historiens commence, la parole des héritiers se libère et raconte le destin de leur père. C'est le cas de la sociologue Mariam Tighalimine, fille d'un de ces mineurs marocains. Elle est notre invitée aujourd'hui. En 2022, elle publie chez Stock Notre Histoire de France, dans lequel elle revient sur le parcours de son père, Lassène, arrivé au Maroc en 1963. C'est donc une partie de son histoire que vous entendrez tout au long de cette émission et, à travers elle, celle de milliers de Marocains. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Margot Pinel, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Février 1963, Taliouine, sud du Maroc. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de sable, au marché, à la mosquée, reprise de village en village, colportée par les crieurs, les caïds et les gosses. Mora va venir lundi, Mora recrute. Alors, dans toute la région, des centaines de paysans et de bergers berbères abandonnent leurs terres, leur bétail, et prennent la route pour la ville. Parmi eux, Lassène, 16 ans. Il habite à 35 km de là. Depuis des mois, son oncle n'attendait que lui. Mora, Félix Mora, l'homme de la mine qui fait partir les gens en France. Il paraît que là-bas, dans le Nord, on gagne des fortunes en quelques années. L'adolescent, lui, n'y pense pas vraiment. Trop jeune, trop frêle pour aller au charbon. Mora veut des hommes, prévient son oncle. Toi, tu n'es qu'un gamin et en plus, tu perds les moutons, alors. Mais Lassène le convainc tout de même de s'embarquer avec lui. Allez, juste pour voir. À Taliouine, sur un terrain vague, ils prennent place dans l'immense file des candidats à l'exil, alignés torse nu. Soudain, une Citroën DS apparaît devant eux. C'est lui, Félix Mora, 38 ans. Il est le chef du service de la main-d'œuvre étrangère des Houillères du Nord et du Pas-de-Calais. Trapu, bedonnant, le cheveu noir et le regard vif, il entame son tour d'inspection. Alors, pour être recruté, les critères sont précis. Il faut avoir entre 21 et 30 ans, peser plus de 55 kilos, pas de teigne sur la peau, ni de tracome aux yeux. Alors, des heures durant, sous un soleil de plomb, Mora pèse les corps, palpe les muscles, traque les cicatrices et les malformations. Il sort ensuite un tampon au logo des houillères, deux encreurs, et appose le verdict à même les corps. Un tampon vert sur le torse des sélectionnés, un rouge sur celui des recalés. Entre 1956 et 1977, Mora aurait ainsi recruté au moins 78 000 Marocains. Quelques années plus tard, en 1989, il est de retour au Maroc et il raconte ses souvenirs aux journalistes d'Antenne 2. J'ai au moins regardé dans le blanc des yeux un million d'ouvriers marocains, un million de candidats, pardon, hein, puisqu'il m'est arrivé sur la fin d'embaucher le père et d'embaucher le fils. Le garçon qui se présentait, ben c'était du muscle, hein, puisque il n'y avait pas d'identité, il n'y avait pas d'entretien. c'était pas le but recherché, c'était du muscle. Lorsque Félix Mora arrive devant la scène, il le regarde à son tour dans le blanc des yeux, comme un loup, dira le jeune homme. Et puis, sans un mot, il le tatoue de vert. La scène n'en revient pas. Malgré ses 54 kilos tout mouillés, il vient de réussir l'examen de passage, tout comme son oncle d'ailleurs, bien plus costaud. Les deux hommes se dirigent alors vers une petite table où il leur faut décliner nom, prénom et date de naissance. Mais à cette époque, dans les vallées du Haut Atlas, l'état civil n'existe quasiment pas. Les patronymes sont rares et peu savent réellement quand ils sont nés. Un flou qui permet toutes les magouilles. Mora ne recrute en principe que des jeunes hommes de plus de 21 ans, qu'à cela ne tienne. La scène, 16 ans, prend 7 ans d'un coup. Pour le nom de famille, ce sera Tiga, Nimin, comme son village. Mais ces formalités ne sont qu'une étape, celle de la présélection, pour reprendre le vocabulaire de Mora. Les hommes tamponnés de verre sont simplement jugés aptes à passer une vraie visite médicale. Pour la scène et son oncle, elle aura lieu à Agadir, dans le quartier des abattoirs. Les yeux, les urines, les poumons, tout y passe. Pour la première fois de sa vie, la scène voit son propre sang. Il s'en souvient 58 ans plus tard, dans le documentaire « La vie devant nous », réalisé en 2021 par Frédéric Lafont, écrit avec la journaliste Ariane Chemin et la sociologue Mariam Tiganimin. Quand on est allé passer les visites médicales à Agadir, on m'a fait une prise de sang et je me suis évanoui. Mora est venu. Il m'a couvert avec une djellaba et m'a dit « N'aie pas peur, n'aie pas peur ». Je ne l'ai pas quitté des yeux. À mon réveil, je suis vite allé à Inezgan pour faire les photos d'identité que j'ai payées. Je n'ai plus jamais revu Mora. C'est en effet la dernière fois que la scène verra Mora parti vers d'autres vallées à la recherche de nouveaux muscles. Leur rencontre fut brève. Mais à l'image de ses camarades, il n'oubliera jamais cet homme qui a bouleversé sa vie. L'ancien militaire de carrière, fin connaisseur du pays et des dialectes berbères, est ici connu comme le loup blanc, à la fois craint et admiré, sauveur pour certains, exploiteur pour d'autres. Son nom se retrouve dans plusieurs chansons Amazigh, chantées par les femmes restées au pays. Lundi, Mora est venu à l'étable d'Elkela, il a choisi les béliers et il a laissé des brebis. Au village de Tiganimin, personne ne doute que ce sera l'oncle de la scène qui sera choisi. Pourtant, un mois et demi après la visite médicale, seul le nom du jeune homme figure parmi la liste des sélectionnés. L'adolescent, d'ailleurs, avoue avoir beaucoup ri. J'étais le seul choisi dans le village, alors que tout le monde s'était moqué de moi. La scène Tiganimin a désormais une date de départ et un passeport qui officialise son nouvel état civil. Août 1963. 6 mois après sa rencontre avec Mora, la scène quitte les siens pour rejoindre la grande route jusqu'au port de Casablanca. Ils sont des centaines à faire le voyage, laissant derrière eux des mères en larmes, des fiancés parfois et des pères partagés entre inquiétude et fierté. Tous promettent de revenir dans 2 ou 3 ans, le temps d'envoyer des mandats et rêver d'une autre vie, ici et plus tard. Aucun ne songe alors à vivre ailleurs qu'au Maroc. Pour la scène, ce voyage est celui de toutes les premières fois. Première fois loin de la famille, premier pas dans une grande ville, première fois qu'il voit la mer. Avec ses compagnons de galère, ils sont escortés par l'armée marocaine jusqu'à l'entrée du bateau, l'immense paquebot lyoté. Pour eux, les directeurs des mines ont réservé la dernière classe, tout en bas, à fond de cale. Dans quelques jours, ils découvriront la France par ses entrailles. 2 jours et 3 nuits. À la cale. Mais la journée, on monte en haut. Ah oui, à la piscine, en haut, il y a... J'étais avec Siba Hassin. Lui et d'autres qui connaissaient le Coran par cœur ont récité tout un chapitre. Ils avaient peur de couler. On croyait que le bateau percutait une montagne. Que Dieu nous sauve. La nuit, en Méditerranée, il y avait un passage avec des courants très forts. Et le bateau klaxonnait. L'histoire du recrutement d'étrangers dans les mines françaises commence bien avant celle des Marocains. Depuis l'origine de l'exploitation charbonnière, les Houillères souffrent d'un déficit constant de main-d'œuvre locale. Car si la mine et ses mythologies attirent, elle peine à garder ses hommes, ses gueules noires, forçats de la révolution industrielle. Parce que beaucoup d'entre eux y laisseront leur vie, emportés par un coup de grisou ou par la silicose, cette longue maladie qui rend les poumons de pierre. Ainsi, pour pallier le manque, la France va régulièrement faire appel à la main-d'œuvre étrangère, une immigration qui devient massive au lendemain de la Première Guerre mondiale. Des dizaines de milliers de Polonais débarquent ainsi dans les mines françaises, du nord jusqu'aux Cévennes, pour reconstruire le pays grâce au charbon. Et puis très vite, d'autres nationalités leur emboîtent le pas. Italiens pour la plupart, mais aussi Tchèques, Yougoslaves, Algériens, Espagnols. Au début des années 50, les houillères du bassin du nord du Pas-de-Calais fournissent encore plus de la moitié du charbon français. Et malgré le déclin qui s'amorce, les mines emploient près de 150 000 hommes. Comme hier, elles manquent de bras pour le fond, là où le travail est le plus dangereux. Mais le contexte lui a changé. Comme l'explique le sociologue et historien Anton Pernoussine au micro de France Culture en mars 2023. Alors, ensuite, le programme de recrutement est un peu erratique au début des années 50. Et véritablement va décoller à partir de 54-55, avec là un double phénomène. D'une part, un besoin de main-d'œuvre non qualifiée pour assurer les travaux d'abattage du charbon, lié à ce problème récurrent de pénurie de main-d'œuvre locale, mais qui va changer de nature véritablement à partir de 1960 et la mise en place du premier plan de récession charbonnière, qui est le plan dit Jeannonet, du ministre de l'Industrie de l'époque. Donc ce premier plan de récession charbonnière qui va donner comme objectif de fermer progressivement les puits considérés comme les moins rentables. Donc là, des dispositifs de départ progressif de la main-d'œuvre française avec le statut vont être mis en œuvre et vont avoir comme pendant ce recrutement massif de travailleurs marocains de façon à assurer un afflux continu de main-d'œuvre jeune, susceptible de remplacer ces travailleurs français qu'il s'agit plutôt de faire partir, sortir du fond, mettre sur des emplois moins pénibles. En 1956, les Houillères organisent pour la première fois une mission auprès des autorités marocaines pour favoriser des flux réguliers. La tâche est confiée à Félix Mora, ce ch'ti de 30 ans, ancien officier des affaires indigènes dans l'armée française au Maroc et chef de la manœuvre étrangère du Nord et du Pas-de-Calais. Il va devenir le plus célèbre agent recruteur des Trente Glorieuses. Mora prospecte sur les terres qu'il sillonnait quand il était militaire. Les provinces de Marrakech, Agadir, Tarfaya et Ouarzazate. Les habitants de ces régions pauvres et rocailleuses conviennent parfaitement au cadre des houillères. Selon l'anthropologie coloniale, les berbères du Sousse seraient robustes, plus travailleurs et dociles que les autres. Ce sont aussi des paysans, la plupart du temps célibataires, ils les traitent sans contact avec des organisations politiques ou syndicales. En 1963, 7 ans après la fin du protectorat, le Maroc et la France signent officiellement une convention bilatérale sur la main-d'œuvre. Les charbonnages de France obtiennent un permis de recruter à grande échelle, alors que tout le monde sait désormais que les mines sont condamnées. Les Marocains seront là pour les fermer. Embauchés sous des contrats temporaires de 12 à 18 mois renouvelables, ils constituent une immigration, disons, d'appoint, flottante et flexible. Il suffira alors d'ouvrir ou de fermer le robinet en fonction du besoin et sans s'embarrasser du statut de mineur, ce système social très protecteur, gagné de hautes luttes, mais réservé aux gueules noires françaises. Félix Mora, lui, préfère parler de réservoir, comme dans cet archive de 1990 diffusé sur France 3. L'Office national d'immigration, qui est à Paris et qui est le seul organisme habilité à procéder au recrutement, nous donnait donc l'autorisation de déposer X contrats. Je ne pouvais mettre en route les convois, entre guillemets, d'ouvriers, qu'à la demande de direction des travaux du fonds. Car le directeur des travaux du fonds souhaitait renforcer son effectif de 300, 400 ou 500 éléments. Et à ce moment-là, me disait, bon, pour le mois d'août, il me faudrait 500 personnes. Bien. Donc, je puisais dans mon réservoir mes 500 personnes pour lesquelles j'avais déjà obtenu les passeports. Et c'est ainsi que toutes les barrières se lèvent devant la Citroën DS de M. Mora. Les autorités lui facilitent la tâche en lui fournissant des passeports par sac entier. Les paysans, eux, l'appellent de leur vœu parce que, grâce à lui, ils partiront peut-être en France, cet Eldorado où l'on gagne au moins 10 fois mieux sa vie. En août 1963, Lassen Tiganimine, 16 ans, est donc l'une des premières recrues de Mora. Après 3 jours et 2 nuits en fond de cale, rappelons-le, il débarque quai de la Joliette à Marseille. À la sortie du bateau, lui et ses camarades sont appelés à se mettre en rang, désignés par le nom de leur recruteur. Les Moras, par ici. Ils prennent ensuite le train jusqu'à Paris-Gare de Lyon, où des gares les attendent. Ils sont alors répartis entre les différents groupes d'exploitation des houillères, Lens, Douai, Valenciennes, ou encore Hénin-Liétard, la future Hénin-Beaumont. Le quart de la Seine s'arrête, lui, à Lens, devant une école transformée pour l'occasion en centre d'accueil. Il y restera 8 jours, le temps d'une formation accélérée, donnée dans sa langue, le tachélit. À la fin du stage, les nouveaux venus sont répartis par 5 ou 6 dans des habitations toutes similaires. Des petites baraques en bois pour célibataires, isolées des autres mineurs, avec 3 chambres, une cuisine et un salon. Les maisons en briques rouges sont réservées aux familles ch'ti, aux Italiens et aux Polonais. Chaque Marocain reçoit aussi quelques ustensiles de cuisine et une panoplie de vêtements. La Seine est affectée à Vingles, dans une baraque pour 5 personnes située à 1,5 km de la fosse, en pleine forêt. Sa première descente est programmée pour le 30 août 1963. Et il porte désormais à matricule une lampe et un casque. Mais arrivé devant la cage, il recule. On avait peur. On n'avait pas envie d'y aller. On est remonté. Un homme qui parlait notre langue, le tachélé, nous a dit « On vous paye la journée. Mais par la suite, pensez à vos parents. » Le lendemain, on est descendu. Et on a attaqué le charbon. Depuis ce jour-là, Dieu merci, on a travaillé. Désormais, 5 à 6 jours sur 7, la Seine descend au fond de la fosse numéro 7. À force, il s'est habitué au bruit de la cage, à l'obscurité, à l'odeur, aux galeries étroites, à la peur qui prend trip. Avec ses autres collègues marocains, ils sont affectés aux tâches les plus pénibles et dangereuses, l'abattage ou le percement des galeries. Mais la Seine ne se plaint de rien, non, jamais, parce qu'il sait pourquoi il est là, pour travailler dur, vite, et rentrer au Maroc les poches pleines, non. Il ne se plaint de rien, si ce n'est de l'état des sandwichs sous terre. On travaillait. Et à l'heure du casse-croûte, tu mangeais. Et le charbon tombait. Tu mangeais du pain au charbon. Comme si on avait du poivre sur le casse-croûte. Mais on le mangeait quand même. Je te raconte ça, mais des mineurs ont été malades ou sont morts. La mine, c'est comme l'armée, comme la guerre. Soit tu en sors, soit tu meurs. La paye tombe toutes les 2 semaines en liquide. 250 francs, l'équivalent de 370 euros aujourd'hui avec logement et charbon gratuit. Une partie de l'argent est envoyée au village, une autre est économisée, le reste couvre les frais quotidiens. Le dimanche, unique jour de repos, on peut travailler le samedi à la tâche. C'est foot, partie de cartes ou domino. Les houillères proposent aussi des leçons d'alphabétisation, mais elles servent surtout à apprendre le vocabulaire technique des mines. Tout est fait, en réalité, pour les isoler au maximum des autres mineurs, de leurs idées subversives et de leurs syndicats. Sur ce point, les charbonnages et le pouvoir marocain sont raccords. Pour la Seine, le Nord, c'est toute sa jeunesse. Pendant 8 ans, de 16 à 24 ans, il enchaîne des contrats de 18 mois. Entre deux, les houillères organisent des allers-retours au pays pour des congés non payés. Les Marocains rentrent 3 ou 4 mois, le temps d'exhiber à la famille ses plus beaux habits et de se faire à la dureté du travail, et surtout de la terre, cette dureté du travail. Le temps surtout pour les houillères de juger s'ils sont aptes ou pas à reprendre du service. Avant de renouveler leur contrat, ils doivent en effet repasser une visite médicale à Casablanca. Si le mineur est malade ou blessé, il restera au port sans un sou. Ainsi, les houillères renouvellent ces hommes en se débarrassant des plus abîmés ou des plus rebelles. Un grand classique du capitalisme, selon le sociologue et historien Antoine Perdoncin. Le principe, c'est la durée du séjour sur le territoire est indexée à la durée du contrat de travail. Donc au bout de ces 12 ou 18 mois plus 3-4 mois, il y a une visite médicale avec une radio des poumons. Et ceux qui, dont on peut voir aux radios des poumons qu'ils ont été infectés par la silicose, leurs contrats ne sont pas renouvelés. Donc c'est une façon pour l'entreprise d'externaliser les coûts sanitaires de l'exploitation de ces travailleurs. Ce qui là aussi n'a rien de très exceptionnel. Hein. C'est en fait un grand classique en réalité de l'utilisation de la main-d'œuvre immigrée dans un régime capitaliste qui est que les coûts de reproduction de la main-d'œuvre, à la fois élever les enfants, faire en sorte que ces enfants arrivent à l'âge où ils peuvent être utilisés comme des ouvriers, mais aussi les coûts différés de cette reproduction, c'est-à-dire notamment eh bien, la gestion des travailleurs âgés, sont assez largement externalisés au pays d'origine. En 8 ans, Lassen est rentré 3 fois au pays, toujours en bonne santé, heureusement. Mais la conscience de classe de ces mineurs s'éveille et ils finissent par s'organiser au début des années 80. Lassen n'y participera pas, non. Il quitte la mine en 71, las des visites médicales et des contrats précaires, mais il reste en France, embauché chez Renault comme ouvrier spécialisé. Les charbonnages, eux, continuent de recruter à tour de bras. Ce n'est qu'en 1974, après le premier choc pétrolier, que le nouveau président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, stoppe l'immigration du travail. Mais une discrète dérogation est accordée aux Houillères, jusqu'en 1977 au moins. Félix Morat a encore quelques belles années devant lui. Aujourd'hui, les mineurs marocains du Nord. France Inter, affaires sensibles. La France, c'est un pays indépendant, démocratique, qui donne tous les lois à les ouvriers. On ne va pas travailler contre comme des animaux sauvages. Ouais. Travailler un contrat, deuxième contrat, troisième contrat. Tu es malade ou bien tu es cassé ou bien tu es blessé, tu as quelque chose, allez au Maroc. Ouais. Le 29 octobre 1980, sur le carreau d'une mine de Lens, quelques dizaines de Marocains manifestent. L'un d'eux ose prendre la parole, face caméra, pour dénoncer le traitement discriminatoire dont ils sont victimes. Ce sont alors les dernières heures d'un conflit qui a débuté 3 semaines plus tôt. À l'été 80, des mineurs marocains de Lorraine ratent leur avion pour rentrer au pays. Ils demandent le remboursement des billets. Les charbonnages refusent. Cet événement apparemment anodin est pourtant le déclencheur d'une réelle prise de conscience. Des 26 nationalités représentées dans le bassin, les Marocains sont les seuls à ne pas bénéficier du statut de mineur. Obtenu en 1946, ce statut reconnaît la pénibilité et les risques du métier, crée des garanties d'emploi, de salaire, de retraite et rend obligatoire pour tous les mineurs la gratuité du logement et du charbon jusqu'à la fin de leur vie. De fait, ils deviennent la corporation ouvrière la mieux payée, excepté pour les Marocains. Sur les quelques 48 000 mineurs travaillant en France, ils forment la plus importante communauté immigrée, 3500 dans le Nord-Pas-de-Calais, 1130 en Lorraine. Et le 6 octobre 1980, au premier jour de grève, 750 d'entre eux occupent la mine munie de banderoles. Français, immigrés, même patron, même combat, peut-on lire. Pendant 3 semaines, partout en Lorraine, les mineurs marocains multiplient les manifestations, tandis que le secrétaire d'État à l'immigration, Lionel Stoléru, répète à tout va « Le statut hors de question, ou vous rentrez chez vous ». Mais le mouvement ne cesse de s'amplifier. Le 25 octobre, le bassin du Nord-Pas-de-Calais entre en grève à son tour. Et 4 jours plus tard, c'est la victoire. Les 4500 Marocains qui travaillent dans les houillères du Nord et de l'Est bénéficieront désormais des mêmes droits et des mêmes avantages que les mineurs français. À une condition cependant, avoir déjà rempli 2 contrats consécutifs à durée déterminée. Les mineurs marocains du bassin Lorrain ont cessé le travail depuis le 6 octobre. La grève s'est ensuite étendue au bassin du Nord. Pour les mineurs marocains, cette victoire signe la fin de la précarité. La possibilité, enfin, de pouvoir faire venir leur famille et travailler en France jusqu'à la retraite. C'est du moins ce qu'ils espèrent. Car en réalité, tout est fait pour qu'ils rentrent au pays alors que le charbon vit ses dernières heures. Dans les années qui suivent, les fermetures des puits se succèdent. En 1986, il n'en reste plus que 5 en activité. Et c'est un courrier qui va mettre le feu aux poudres. Le 25 septembre 1987, les 350 mineurs marocains du 3-5 de Courrières, dans le Pas-de-Calais, reçoivent une lettre de la part de la direction des houillères qui annonce la fermeture de leur puits pour la fin de l'année. Dans 3 mois à peine, ils perdront leur emploi. Ils ont alors le choix entre 2 formules. Retourner au pays avec un capital d'environ 200 000 francs, 50 000 euros aujourd'hui, ou un emploi de conversion avec la possibilité d'une formation. Les mineurs concernés ont 2 semaines pour donner leur réponse. À défaut, les houillères considéreront qu'ils s'occuperont eux-mêmes de leur reclassement. C'est en réalité une fausse alternative. La plupart d'entre eux ne savent ni lire ni écrire et ne voient pas comment ils pourraient suivre une formation pour un emploi plus qualifié, alors même que le taux de chômage dans le Nord varie, suivant les endroits, de 12 à 17%. Quant au retour au Maroc, il est impossible. Comme en témoigne Hamid Ouakatou, 35 ans, interrogé par France 3 en octobre 1987. Personnellement, j'ai choisi d'aller dans la conversion. Parce que ma vie, je l'ai fait là. Je suis arrivé à l'âge de 23 ans, 24 ans, donc je peux pas travailler encore au Maroc. Je peux pas faire quelque chose, étant donné que je suis perdu maintenant. Même si je retourne là-bas, je suis toujours un étranger. Et en plus, comme j'ai quand même mes poumons, je suis plus comme avant, je peux pas faire autre chose. Le 1er octobre 1987, la grève s'engage au 3-5 de Courrières et gagne rapidement les 4 autres sites encore en activité. Pendant 2 mois, les mineurs marocains manifestent, bloquent les puits, tiennent les meetings. Le 30 novembre, plusieurs centaines d'entre eux occupent la direction générale de Douai afin d'obtenir des garanties sur la reconversion et la protection sociale pour ceux qui accepteraient de repartir. Ce dernier point figure d'ailleurs au cœur de la mobilisation. Non, ils ne veulent pas rentrer silicosés au Maroc sans l'assurance de pouvoir bénéficier des soins médicaux gratuits. Mais c'est encore en évoquant le sort de leurs enfants que les mineurs se font les plus poignants. Depuis 1980, la moitié d'entre eux ont fait venir leur famille. Plus de 5000 enfants sont ainsi scolarisés dans la région et désormais intégrés. Qu'irait-il faire au Maroc ? Face à la détermination des mineurs, les charbonnages sont contraints de renégocier. Le 1er décembre 1987, un protocole d'accord est signé avec la CGT. Il doit, en principe, permettre aux Marocains d'opter librement pour le retour ou la reconversion en leur offrant l'accès à toute une série de dispositifs. S'ils restent, ils auront droit au congé charbonnier de fin de carrière, à la retraite anticipée, à la prime de conversion et au rachat de leurs avantages en nature. Autrement dit, charbon et logement. S'ils partent, on leur promet que la protection sociale minière sera maintenue au Maroc. Mais ces différentes dispositions sont peu ou mal appliquées. Du fait de leur faible ancienneté, la grande majorité des Marocains n'ont pas le droit au congé charbonnier ni à la retraite anticipée. Quant au retour au pays, ils s'organisent, ironie du sort, sous la houle de celui qui était venu les chercher des années auparavant, Félix Mora. Oui, le plus célèbre agent recruteur des Trente Glorieuses. Pour lui aussi, l'heure de la reconversion a sonné. Il est désormais en charge de la réinsertion professionnelle des mineurs marocains au Maroc, comme il l'explique dans cette interview en mars 90. J'ai pris mon bâton de pèlerin de nouveau et je suis reparti voir les différents gouverneurs et chefs de tribu pour leur expliquer que nous mettions fin à nos activités, qu'il fallait s'attendre à ce que leurs compatriotes reviennent. Donc ces gens-là, une fois qu'ils rentreront, ils auront la possibilité, compte tenu du pécule qu'ils vont obtenir pour leur rentrée, de s'installer. J'ai embauché le père et ensuite j'ai embauché le fils. Et maintenant je ramène le père et je ramène le fils. Pour les 60% de Marocains restés en France, l'avenir est tout aussi incertain. Si certains réussissent à prendre un nouveau départ professionnel, beaucoup auront des fins de carrière chaotiques. Certes, ils ont reçu un bon chèque, mais la plupart n'ont pas saisi qu'en acceptant cette prime, ils perdaient la gratuité du logement. Pendant les premières années de leur retraite, ils ont pu régler leur loyer tant qu'ils recevaient diverses prestations familiales. Mais ces aides se sont éteintes lorsque leurs enfants sont partis. Et ils accumulent aujourd'hui les impayés et les dettes. Alors, certains sont retournés au combat, à l'image d'Abdallah Samaté, président de l'Association des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais depuis sa création en 2003. 20 ans plus tard, ils croisent toujours le fer avec l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, qui gère leurs droits donc et leur retraite. Sans relâche, jusqu'à la Cour de cassation, Abdallah Samaté dénonce l'arnaque que lui et ses ex-collègues estiment avoir subie en renonçant à leurs avantages en nature. En 2011, il fait condamner les houillères pour discrimination. En février 2013, 10 anciens mineurs marocains obtiennent la reconnaissance de leurs droits et 40 000 euros de dédommagement. Une victoire symbolique au regard des 78 000 autres mineurs marocains venus dans un bateau plein d'émigrés fermer les mines de France. Yeah. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire des mineurs marocains du nord de la France. Notre invitée, la sociologue Mariam Tiganimine. Bonjour. Bonjour. En 2022, vous publiez chez Stock Notre histoire de France. C'est beau comme titre, hein, Notre histoire de France. Merci. Qui raconte, entre autres, le parcours de votre père, Lassène, ancien mineur marocain arrivé à Lens en 1963 et dont on a entendu la voix tout au long de ce récit. Il a été interviewé par vous-même dans le cadre du documentaire La vie devant nous, réalisé en 2021 par Frédéric Lafont et que vous avez coécrit avec la journaliste Ariane Chemin. Pendant tout le récit, je vous observais et j'ai observé sur votre visage un sourire constant. Que nous dit ce sourire? Je suis très heureuse en fait que cette histoire soit de plus en plus racontée et partagée au grand public. Et évidemment, c'est une histoire qui est à la fois douloureuse et joyeuse. C'est vrai que quand j'ai interrogé mon père et certains de ses comparses dans le cadre du documentaire puis du livre, j'ai été frappée en fait par leur discours qui est pas du tout en fait teinté de regret. Ou de tristesse. Ça veut pas dire qu'ils sont naïfs en fait, ils savent très bien, mon père et ses copains, qu'on est venus les chercher en fait pour leur force de travail et pas par humanisme, mais ils considèrent avoir fait le bon choix, surtout quand ils voient comment leurs enfants puis leurs petits-enfants ont fini par naître, grandir et en fait faire partie de la population française. Et c'est vrai que puis mon père en fait a, dans le documentaire on l'entend beaucoup rire, se moquer, raconter certaines situations même les plus dramatiques avec un sourire et pour lui ouais vraiment il a fait le bon choix surtout quand il regarde la situation de celles et ceux qu'il a laissés derrière lui et notamment celle de ses frères, de ses neveux, de ses cousins et les faits effectivement montrent que lui et ses copains qui ont choisi en fait cette vie de dur labeur ont finalement connu une mobilité sociale ascendante qui leur a permis d'avoir une meilleure vie. La photo de votre père est publiée d'ailleurs en couverture du livre, alors genre physique d'acteur de cinéma, hein. et à travers ces yeux-là, on voit qu'il n'y a pas de naïveté, effectivement. Alors, nous l'avons dit, l'histoire des mineurs marocains du Nord a été peu racontée, peu documentée. Quel était le déclic, au-delà de l'amour filial du père, le déclic qui vous a décidé de remonter le cours de cette histoire, qui est aussi celle de votre histoire familiale donc, et qui se rapproche qui s'accroche aussi à votre métier de sociologue. Effectivement, la première fois que j'ai eu un cours de sociologie du travail à l'université, où on m'a parlé en fait de la condition des ouvriers au XXe siècle, donc j'ai notamment eu l'occasion de lire un petit livre qui s'appelle L'établi de Robert Linhart, qui a d'ailleurs été adapté au cinéma il n'y a pas très longtemps, et qui racontait en fait ce que c'était la vie d'un ouvrier à la chaîne et qui racontait les différences en fait entre les ouvriers, entre les immigrés et les franco-français entre guillemets, les différences entre maghrébins et noirs, donc qui étaient moins bien lotis que les autres. Et très vite je me suis rendu compte en fait à 18 ans, 19 ans, que je ne connaissais pas grand chose de la vie professionnelle de mon père, que j'ai connu en fait quand j'étais adolescent, il était déjà en pré-retraite, donc j'ai petit peu connu l'histoire de sa vie d'OS, d'ouvrier spécialisé dans l'industrie automobile, mais pas celle de mineur. Exactement. Et donc très vite, je me suis rendu compte que c'était un peu honteux. Et donc j'ai voulu un peu questionner cette histoire, la sienne, celle de ma mère, les raisons qui les ont poussés à venir en France, comment ils étaient venus en France. Et une des premières réponses que j'ai obtenues, c'est je suis venue avec Mora. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était une réponse que d'autres copains et copines avec qui j'ai grandi dans la cité du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie avaient aussi entendu, obtenu. Et j'ai voulu savoir qui était ce fameux Mora. Et quel regard vous posez sur lui ? Alors au départ, j'ai un regard en fait assez sévère et je m'interroge parce que lorsque je fais mes premières recherches sur Internet pour tomber en fait sur des écrits, des vidéos sur ce fameux Mora, je tombe sur l'article d'une historienne publiée dans Le Monde Diplomatique qui le qualifie de négrier des ouillères. Et donc moi je... C'est le réflexe qu'on a quand on raconte son histoire. Au début, on pense forcément à ça. C'est ça. Et donc je me dis, donc mon père en fait a été un esclave. Il a été victime d'un système esclavagiste, pardon. Et donc en fait, mon sang ne fait qu'un tour. Et donc je vais le voir et je lui dis, mais t'as été exploité. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-moi. Et vraiment, je suis un peu en colère, un peu triste. Et lui me regarde en fait avec des gros yeux et il me dit, mais t'es pas contente d'être ici? Et là, donc, toutes mes certitudes tombent. Et je me dis, mais en fait, effectivement, il a été exploité. Et il a été un perdant du capitalisme et il n'a pas cessé de l'être, comme beaucoup d'entre nous. Et un oublié du récit national. Et un oublié, exactement. Et en fait, je comprends aussi qu'à un moment donné, effectivement, il a été exploité, mais que pour lui, c'était pour le meilleur, surtout qu'il venait déjà d'un pays, en fait, donc, qui, au lendemain de la colonisation, est resté un pays avec un système féodal, un pays qui avait un régime, en fait, autoritaire et qui l'est encore aujourd'hui, parce qu'on pense souvent que le Maroc est un phare démocratique en Afrique du Nord, et ça n'est absolument pas le cas. Mon père a connu, en plus, le règne de Mohamed V, ensuite celle de Hassan II, donc le père de l'actuel roi, et l'actuel roi, Mohamed VI, est encore plus prédateur, en fait, que l'ancien. Et donc, effectivement, il a laissé derrière lui un pays autoritaire, une théocratie, et venir en France, ça a été l'occasion d'avoir, même s'il était il faisait pas partie des groupes les plus privilégiés, mais quand même de bénéficier de l'État-providence, de bénéficier aussi du sécularisme, de la laïcité, même si, encore une fois, comme vous l'avez raconté pendant tout le documentaire, il a été discriminé. Alors justement, donc Félix Mora n'est pas forcément le méchant de l'histoire, hein. C'est plus nuancé que ça. Le méchant de l'histoire, c'est le capitalisme et ses brutalités. C'est ça, pour vous ? Tout à fait. Le capitalisme, à travers effectivement l'action des charbonnages de France, Félix Mora n'est qu'un acteur parmi d'autres, avec la complicité des autorités marocaines. C'est intéressant, à un moment donné, on parlait de Lionel Stoléru, le ministre, en fait, qui dans les années 80 explique à ces mineurs marocains qui demandent donc à ce qu'ils bénéficient du même statut que les autres, vous n'aurez jamais statut. Au même moment, vous avez un consul marocain qui leur dit, vous êtes dans la même situation que les femmes au Maroc, soit vous vous soumettez en fait à ce que vous dit les charbonnages de France, soit en fait on vous répudie. Donc en fait ces hommes ont été effectivement malmenés par un tas d'acteurs, et Félix Mora, effectivement, on retient son nom parce que c'est l'un des plus emblématiques, parce que son histoire personnelle aussi est liée à l'histoire coloniale et ensuite post-coloniale. C'est un ancien agent militaire, en fait, de l'armée coloniale, qui recrutait déjà à l'époque pour l'armée coloniale, et qui est, en fait, qui vient d'un milieu modeste, hein, qui est un fils d'employé, et qui, effectivement, a servi tout un système capitaliste, paternaliste aussi, oui. Parce que le système de la mine est un système paternaliste par excellence, et qui déjà en fait surveillait les mineurs et contrôlait leur corps et leurs actions, les mineurs français, franco-français, belges, polonais, italiens, espagnols, et en fait avec les Marocains ça a continué et ça s'est accentué, et il y avait aussi des structures particulières qu'on appelait par exemple les amicales, qui étaient en fait les yeux et les oreilles du pouvoir marocain, mais aussi celles des charbonnages. Mariam Tigaline, on vous retrouve dans 2 minutes et demie après avoir écouté Colline Rio, Elle laisse. Elle laisse au hasard les rêves, les chimères abîmées. Le brouillard, la pluie et le goudron mouillé. La nuit est grande ce soir. France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel. Mariam Tigalimine, on va écouter une archive. Elle date de 1965. C'est un couple franco-marocain qui est interviewé par l'ORTF dans le cadre d'un reportage intitulé « Les jeunes et la mine ». On écoute et on en parle ensuite. Madame Abdallah, vous avez épousé un Marocain, vous êtes française. Oui. Est-ce que ça a posé des problèmes pour vous ici au début? Ben, au départ, ça a posé certains problèmes de relations voisinales. C'est-à-dire? C'est-à-dire que certaines personnes me tenaient rancune d'avoir épousé un arabe. D'autres nous accueillaient comme vraiment mon mari étant français, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de sentiment un peu de racisme au début? Oui, au départ, oui. Il y en a eu, pas pour tout le monde, mais il y en a eu, oui. Alors on entend le journaliste qui est sur la pointe du pied dire un peut-être un sentiment de racisme. Bah, si, monsieur, il y a du racisme ouvertement. Votre père en a souffert? En tout cas, c'est pas ce qui ressortait beaucoup dans son témoignage quand je l'ai interrogé à plusieurs reprises. Même si effectivement, lorsqu'il s'agissait de s'éloigner un petit peu de la baraque, du baraquement, de la ville ou d'être seul. Effectivement, il pouvait y avoir des réflexions désobligeantes, racistes à son égard. En interrogeant ses comparses dans le cadre du documentaire, et notamment Monsieur Samat que vous citez, lui me racontait que parfois, lorsque l'un d'eux achetait au bout d'un moment une voiture ou un objet, un peu un signe extérieur d'enrichissement. Ils pouvaient faire l'objet de discrimination. Et ils me racontaient notamment comment ils avaient été arrêtés par la police. Parce qu'en fait, quatre maghrébins dans une voiture à cette époque, ça interrogeait. Mais c'est vrai que tous se sont pas trop... m'ont pas fait part, en fait, d'histoire... De racisme et de souffrance au quotidien. On sent dans son discours que vous portez, quand il vous dit mais t'es pas content d'être là, que l'important c'était d'être dans ce pays, la France et ses valeurs, et qu'il l'emportait peut-être sur la peur du racisme. Oui, bien sûr. Même si effectivement on finit très vite par objectiver le fait qu'ils ont été, lui et ses copains, en fait, victimes de racisme, de discrimination. Ils n'ont jamais évolué professionnellement. On les a fait venir justement parce que, en fait, on ne comptait pas leur faire bénéficier du statut de mineur, qui, comme vous avez pu le rappeler, était un statut en fait extraordinaire en termes d'avancée sociale dans le monde ouvrier. Et en fait, on leur a donné les tâches les plus dures à faire. Moi, mon père, j'ai regardé une sorte de carte professionnelle en fait qui rendait compte de son activité à la mine. Il a toujours été au fond, très très au fond. Il n'a jamais connu en fait les activités en dehors. Et puis ensuite, en fait, il a d'ailleurs fini par quitter la mine et le Nord-Pas-de-Calais parce qu'il n'en pouvait plus de ces visites médicales qu'il fallait à chaque fois passer. Donc effectivement, il y avait sûrement du racisme au quotidien, mais le racisme et les discriminations, ils les ont connues, lui et ses copains, dans le cadre du travail. Et après, c'était pas réservé uniquement aux Marocains, parce qu'en fait, le sort des Polonais avant, des Espagnols, des Italiens était le même. Et j'imagine que, les archives en tout cas le montrent aussi, c'est que même les Polonais qui sont blancs de peau, qui sont de culture chrétienne. Et les Italiens du début du siècle. Exactement. Ont été victimes d'un racisme incroyable. Exactement. C'est malheureusement en fait une histoire de migration parmi d'autres. Bien sûr. Alors, quel était selon vous l'intérêt du pouvoir marocain de conclure ce deal avec la France pour la venue d'une main-d'œuvre massive? Et était-ce aussi le moyen de se débarrasser de contestataires potentiels? Je pense que c'est multifactoriel. La France, en fait, c'était le Maroc post-indépendance. Mais la France, il y avait encore son pouvoir et ses attaches. Et mais effectivement, c'était aussi pour la monarchie marocaine et le pouvoir d'Hassan II encore jeune et pas bien installé, une manière aussi de se débarrasser d'une jeunesse, une manière aussi de gratifier certaines régions par rapport à d'autres, donc les fameux berbères du Sousse qui étaient plus dociles. Et à un moment donné, en fait, quand on a commencé à laisser partir les Rifains, donc les berbères du Rif, qui eux ont la réputation d'être plus contestataires et qui, rappelons-le, en fait, au moment de la colonisation du Maroc, en fait, ont été victimes de bombardements au gaz moutarde par la France de Pétain, par l'Espagne de Franco et par la monarchie marocaine, les ancêtres en fait de l'actuel roi. Donc c'est multifactoriel en fait. C'était ce que je raconte dans le livre, c'est que mon père en fait part en 63 et il se retrouve à Agadir, donc son étape avant d'arriver à Casablanca pour prendre le bateau, le jour de la naissance du prince héritier, donc l'actuel roi du Maroc, Mohamed VI. Et il y a toute une symbolique derrière. Il y a cette jeunesse en fait qui vient d'un milieu très pauvre, enclavé, qui a connu la famine. C'était vraiment des paysans en fait qui vivaient dans des conditions extrêmement rudes et qui, rappelons-le, en fait, au lendemain de l'indépendance, le Maroc compte plus de 90% d'analphabètes. Donc c'est vraiment en fait c'est l'umpen prolétariat en fait qu'on est venu chercher et ou qu'on a laissé partir et qui est voilà. Et donc en fait c'est très symbolique que mon père parte ce jour-là, se retrouve à Casablanca face au bateau le Lyoté, et Lyoté c'est le nom du premier résident général français. Et donc voilà, ça a arrangé beaucoup de monde que ces jeunes partent. Mais finalement, ça a arrangé aussi ces jeunes, en fait. C'est pour ça que cette histoire, elle n'est pas binaire. Elle n'est pas noire ou blanche. Absolument. Que de symboles, en tout cas. Mariam Tighani-Mine, notre histoire de France, chez Stock, à conseiller à tous nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, les mineurs marocains, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Henri Bérec.